Allô, terre, allô, tout, allô, vie. Allô, tout le monde, v'là de la parlure, v'là la chambure de mots à boire, dans le parloir de notre histoire. Les mots sont clairs, même dans le noir. J'écris tout le temps des chansons longues pour vous donner le temps d'entendre. La partie est toute en poésie. Je voudrais dire à chaque personne ce que je chante à tout le monde. Je voudrais faire une chanson avec toutes les noms de toutes les hommes, avec toutes les vies de la terre entière, avec toutes les rêves de toutes les mondes, minéral, végétal, animal. Venir au monde à chaque seconde, sortir du monde à volonté. Mettre au monde avec tout le monde, se mettre à nu dans la lumière du soleil intérieur à tout le monde, du soleil intérieur à tout le monde, du soleil intérieur à tout le monde. Je suis à moi, je suis au monde, je suis à toi, je suis du monde. Son petit monde, voir dans les autres son propre monde. Mettre le monde sur la map dans le cœur. Et comme les ondes se répondent en vibration. Avec tout le monde, avant qu'il fonde dans notre affaire, on se ressemble, on est ensemble, ou bien toute seule. Je suis seule.